salue la jeune stagiaire, une voix pareille à la rosée. En elle, c'est quelque chose, ce détail si particulier. Une guerre à la jour que je lui confère, on me vise entremêlée. Son dos se trait de phrase nose, mes amis, vous le délivrez. Au cours de circonstances, mes frères, sortis des guitares et claviers. Dans la stress, elle est la prose, et en ce soir, si enchanté. Félicite, elle s'intérimère, au parcours bien accentué. Nathalie, dans quelque chose, le cosmos a su l'apprécier. Nathalie, la jeune stagiaire, minois, pareil à la rosée. En elle, c'est quelque chose, ce détail si particulier. Au regard à l'amour que je lui confère, on me vise entremêlée. Son beau secret de femme, je n'ose, mes amis, vous le délivrer. Au cours de circonstances, mes frères, sortis des guitares et claviers. Dans la stress, elle est la pose, et en ce soir, si enchanté. Félicite avec sa tête mère, au parcours bien accentué. Nathalie, c'est quelque chose. Le cosmos a su l'apprécier. C'est le cosmos. C'est le cosmos. Nathalie, la jeune stagiaire, minois pareil à la rosée. En elle, c'est quelque chose, ce détail si particulier. Regarde à l'amour que j'ai confié, à nos vies entremêlées. Son beau secret de femme, je n'ose, mes amis, vous le délivrer. Beau secret de femme, je n'ose, mes amis, vous le délivrer. Concours de circonstances, mes frères. Sortie des guitares et des claviers. Nathalie, Bordas, te dédicace. Nathalie a eu son...